Kouiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. L'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT, en collaboration avec les sociétés de télécommunications mobiles et la police, décide de mettre en place une plateforme de dialogue entre elles. Et c'est pour juguler le vol qui se fait par transfert monétaire via Lumicash et EcoCash. Les quotas provinciaux entrent dans les critères de sélection des candidats à l'entrée en première année de la faculté de médecine. C'est une nouveauté introduite par le Conseil des ministres de ce mercredi. Vous suivrez les motivations dans un extrait du compte-rendu lu par le porte-parole du gouvernement. Un économiste suggère au gouvernement burundais de revoir à la baisse les prix des produits de première nécessité, consécutivement à la baisse du prix du carburant à la pompe. Vous entendrez les explications de Diomède Nineretse. Voilà pour le sommaire. Une plateforme de dialogue entre l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT avec les sociétés de télécommunications et la police sera mise en place pour empêcher les cas d'escroquerie et de vol via le système de transfert d'argent Lumicash et EcoCash. Annonce faite ce vendredi par Léocadie Ndachaïsaba, ministre des Télécommunications, dans une conférence de presse. Elle a précisé que ce système de vol est devenu monnaie courante. Elle a indiqué que cette plateforme aidera toute personne victime de ce genre de vol de récupérer son argent. Suivez. La plateforme de dialogue entre l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT en sigle avec les sociétés de la télécommunication et la police sera mise en place pour faciliter la communication et empêcher toutes sortes d'escroqueries et de vols via le système de transfert d'argent appelé EcoCash ou Lumicash ou autres problèmes. Elle pourrait s'adresser au commissariat de la police qui est proche pour être régularisée. On va également organiser des séances de formation et de sensibilisation à l'endroit de la population sur l'utilisation des téléphones mobiles en ce qui concerne le transfert d'argent. Cela se fera à travers les messages dans les églises, au marché ou à travers les journaux. Celui qui transférerait de l'argent par mégarde sur le compte agent d'une autre personne, elle ou il va être remboursé pendant 3 jours au moment où la personne en soi refuserait de le faire à sa propre volonté. Le ministère de la Communication va collaborer avec le ministère public dans le cadre d'ouvrir les dossiers des coupables, puisqu'on a constaté qu'un voleur continue à commettre les mêmes crimes, même si on a réglé l'affaire. Signalons qu'au sein du ministère de la Communication, nous sommes en train de préparer le projet sur la convention sur la cybersécurité et la cybercriminalité qui va être signée par le gouvernement du Burundi afin de rejoindre les autres pays internationaux. La ministre Léocadie Ndachaïsaba, traduite par Lydie Gahimbari. Désormais, les candidats à l'entrée en première année de la faculté de médecine seront retenus après concours sur base des critères d'excellence et des quotas provinciaux. Le Conseil des ministres l'a décidé mercredi à travers une note relative à l'orientation des lauréats de l'examen d'État à la faculté de médecine. Dans un compte-rendu de ce conseil, lu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, il ressort que différentes provinces avaient déjà soulevé le manque d'équité dans la sélection des candidats. Jérôme Niyonzima indique que c'est pour cela que le gouvernement envisage des aménagements. On l'écoute. Depuis un certain temps, l'accès des lauréats de l'examen d'État à la faculté de médecine est subordonné à la réussite au concours organisé à cet effet. D'une part, l'organisation du concours permet une orientation objective dans cette faculté et d'autre part, elle permet d'avoir de futurs médecins compétents qui sont à mesure de sauvegarder la santé de la population. Cependant, des informations faisant état d'un manque d'équité entre les étudiants candidats médecins, le sortissant des différentes provinces, ont été déjà soulevés. En considérant le taux de réussite, il s'observe des disparités entre la mairie de Bujumbura et les autres provinces en ce qui est du nombre. Les enfants du milieu rural ont moins de chances que les enfants du milieu urbain d'être enregistrés dans la faculté de médecine. Face à cette situation, trois alternatives sont proposées. Première alternative, augmenter le nombre de centres de passation du concours en faisant de chaque chef-lieu de province un centre de passation. Cette proposition présente l'avantage de réduction de la distance pour les candidats, mais présente aussi l'inconvénient d'exiger une augmentation du budget alloué à l'organisation de ce concours. Deuxième alternative, supprimer le concours d'entrée à la faculté de médecine et considérer uniquement les points obtenus à l'examen d'État en veillant au strict respect du critère d'excellence et de l'équité entre les provinces. Cela a pour avantage d'économiser le budget alloué à l'organisation du concours, mais présente le risque de se retrouver en violation des directives de la communauté est-africaine. Continuer à organiser le concours et sélectionner les candidats retenus sur base des critères d'excellence et des quotas provinciaux pour garantir l'équité. Les quotas provinciaux seraient déterminés au prorata des effectifs de candidats à l'examen d'État. Le Conseil des ministres a opté pour l'organisation du concours et la sélection des candidats retenus sur base des critères d'excellence et des quotas provinciaux pour garantir l'équité. Les quotas provinciaux seraient déterminés au prorata des effectifs de candidats à l'examen d'État. Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Le gouvernement burundais devrait revoir à la baisse les prix des produits de première nécessité et du ticket de transport, consécutivement à la baisse du prix du carburant à la pompe, et veiller à ce que ce ne soit pas l'importateur du carburant qui soit le seul avantagé. Analyse d'un économiste qui précise que l'une des conséquences palpables de cette baisse serait l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Suivez les explications de Diomède Nineretse, qui apprécie tout de même le geste posé par l'État. Je crois que c'est une bonne mesure, mais c'est pas tout. Ce qui est anormal, c'est qu'effectivement, au niveau du prix du transport, au niveau de la mairie de Bujumbura, même à l'intérieur, le prix n'a pas été diminué conséquemment parce qu'on a seulement diminué de 50 francs ou autre, ils ont seulement diminué de 1000 francs, alors qu'effectivement, il y a un avantage comparatif. Quand il y a une réduction sensible, voilà, au niveau du marché, du carburant, en fait, le dernier consommateur devrait d'abord, effectivement, sentir un avantage comparatif. Et là, on devrait le voir si le prix de transport au niveau des bus. Alors, je pense que la mesure a beaucoup plus avantagé, a beaucoup plus bénéficier des importateurs que des consommateurs. Je crois que c'est une mesure qui mérite d'être analysée et éventuellement voir comment diminuer effectivement le prix du transport au niveau de la mairie, au même titre que le transport au niveau de l'intérieur. Ça, c'est la première observation. Alors, la deuxième bonne mesure, c'est qu'est-ce qui va se passer en fait quand il y a réduction du carburant à la pompe. On stimule d'une manière ou d'une autre la croissance économique parce que pour des entreprises qui font par exemple la transformation, il va y avoir la réduction des coûts de production, bien sûr pour les sociétés et même pour les individus. En fait, on comprend bien que l'individu qui avait des difficultés à se déplacer pourra encore avoir montant pour l'épargne, hésiter pour acheter quelque chose parce que c'est augmenter, si tu veux, le pouvoir d'achat. La troisième conséquence, en fait, il y a une augmentation du pouvoir d'achat pour les ménages, pour déjà qui utilisent le transport. L'autre chose, c'est qu'il y a bien évidemment la réduction de l'inflation. Vous savez que depuis un bon moment, le Burundi a une inflation de plus de 30%. Alors, je me dis que maintenant, si le carburant, si cette mesure pouvait durer, on pourrait voir, par exemple, que l'inflation pourrait diminuer de 2% ou de 1%. Ça va dépendre, si ça dure, bien sûr. Parce que la mesure, ce n'est pas un problème. Il faut que la mesure dure longtemps. Sinon, je crois que ça ne vaut pas la peine de pouvoir diminuer pour augmenter demain. Comme je le dis, il y a un impact positif au niveau socio-économique. Les individus qui avaient des difficultés à se déplacer vont pouvoir avoir une occasion de se déplacer facilement parce que le pouvoir d'achat a augmenté et qu'ils ont dégagé quand même une épargne. Sinon, on va toujours se retrouver toujours dans les mêmes lamentations et même l'inflation alors pourra augmenter s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. L'économiste Diomède Nineretse qui appelle l'État à penser à sa politique de transport en améliorant les routes et éviter que les fluctuations internationales n'aient automatiquement des retombées directes sur le Burundi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les habitants de la commune Kabarole en province de Kayanza se réjouissent d'être payés rapidement à la vente du maïs. Le seul défi évoqué dans cette opération est quand ils ne parviennent pas à s'accorder sur le niveau de séchage de ces céréales, ce qui est confirmé par le conseiller communal en charge des affaires sociales, qui précise que ceux qui se retrouvent dans cette situation reçoivent des tentes leur permettant de bien sécher leur récolte. Reportage Jean-Marie Vianney, Gendakouman. Ce sont certains des agriculteurs rencontrés devant le bureau communal Kabarole de la province Kayanza. Ils indiquent que le déroulement de l'activité de la chambre des graines de maïs dans cette localité se passe bien, tout en précisant qu'ils se réjouissent de vendre leurs récoltes sur le prix qui a été fixé par le gouvernement. Ils rapportent que les commerçants avaient commencé à faire des spéculations. Ces agriculteurs témoignent qu'ils reçoivent la le même jour de vente et qu'à défaut, les collecteurs donnent des récits qu'ils présentent pour le paiement les jours suivants. Cependant, ils estiment que le défi qui s'observe plus souvent dans cette opération est lié à la mesure de l'humidité pour ces maïs. Cela est confirmé par Samson Yosenga, conseiller communal Kabarole, en charge des affaires sociales. Il informe que l'administration l'a disponible des tentes sur les lieux de vente afin de bien sécher leurs récoltes. Cette activité a été bien déroulée. Nous voyons que la population est très enchantée, à tel signe que la récolte, comme elle a été très bonne dans cette saison-ci. Donc, ils ont répondu massivement que la récolte est là et l'activité se déroule bien jusqu'à présent. Sauf que le seul problème est que, en collectant cette récolte, on exige. Donc, il faut que la récolte soit bien sèche. Mais il y a bien de la population qui, en amenant cette récolte, trouve que le maïs n'est pas bien sèche. Alors, on leur demande de mettre donc leur récolte à l'abri pour que ça sèche bien, afin que la récolte soit achetée. L'activité de collecte de la récolte du maïs se fait partout dans le pays depuis le 19 du mois en cours à travers l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire en Argisa. Jean-Marie Vianney, Ngendakouman. Dans la suite de ce journal, la nécessité d'une mise en œuvre rapide du processus de Luanda pour éviter une nouvelle détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et assurer la mise en œuvre de tous les engagements convenus de bonne foi entre le Burundi et le Rwanda. Telles sont les conclusions de la visite au Burundi de Salva Kiir Mayardit, président sud-soudanais et président en exercice de la communauté est-africaine. Suivons plutôt le communiqué final lu par Dr Peter Matuki, le secrétaire général de l'EAC, traduit en français par notre confrère Aaron Douayesu. Their Excellencies considered the status of peace and security. Ils ont noté que la paix et la sécurité sont une condition préalable au développement social et économique au sein de la communauté et vitale pour la réalisation des objectifs de la communauté. Ils appellent les États partenaires à remplir leurs obligations consacrées dans le traité pour la création de la communauté de l'Afrique de l'Est. Leurs Excellences ont réaffirmé leur engagement en faveur du processus de Nairobi mené par la communauté est-africaine et ont souligné la nécessité d'une mise en œuvre complémentaire rapide avec le processus de Luanda pour éviter une nouvelle détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo qui risque de se propager aux États partenaires voisins. Leurs Excellences ont noté la nécessité pour les deux États frères, le Burundi et le Rwanda, d'assurer la mise en œuvre de tous les engagements préalablement convenus de bonne foi découlant du dialogue bilatéral entre les deux États partenaires, inclure la libre circulation des personnes, des biens et des services. Le secrétaire général de l'EAC, Dr Peter Matuki, traduit par Aaron Ndouayesu. 11 mini-réseaux électriques solaires ont été installés par le Programme des Nations Unies pour le Développement et l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, à Kamahoro, en commune Buhiga de la province Karusi, en des villages très éloignés du réseau électrique de la Régie des Eaux. Ahuna Eziakonua, sous-secrétaire général des Nations Unies et directrice du Bureau régional du PNUD pour l'Afrique, trouve que seuls 100 ménages bénéficiant de ce réseau sur 250 sont encore peu nombreux. Certains bénéficiaires de ce réseau indiquent que cela va faciliter le bon fonctionnement de leurs activités quotidiennes. Ornella Mouch. Après le lancement officiel du mini-réseau solaire à la colline de Kamahoro, en commune Ouiga, c'est dans la province Karusi, mise en œuvre et lancée officiellement par le programme des Nations Unies pour le développement PNU de ce jeudi, Haruna Eziakonwa, sous-secrétaire général des Nations Unies et directrice du bureau régional du PNU de Pôle Afrique, recommande d'envisager la construction d'un grand marché adapté à la solution énergétique, en remplacement d'un petit marché installé à ce lieu. À cette occasion, le PNU a indiqué qu'il compte étendre le mini-réseau pour accorder plus de maisons. C'est au moment où seuls 100 ménages sur les 250 ont d'électricité. Les bénéficiaires de ce mini-réseau disent que ce mini-réseau solaire va faciliter leur travail. Parmi eux, les femmes côtières ont eu un don des machines à coudre. Avant, on devait emprunter ou louer des machines à coudre. Ça va encore nous faciliter la tâche parce que le PNUD vient de nous donner des machines à coudre électroniques au moment où le mini-réseau solaire est maintenant fonctionnel. Avec ces autres machines, ça nous prenait beaucoup de temps et ça nous fatiguait, car on utilisait des jambes pour coudre. Nous allons gagner du temps. Nous sommes très reconnaissantes de l'installation de ce mini-réseau solaire dans cette localité. Avant, on devait aller à Bouhiga ou à Karusi pour des travaux nécessitant le courant électrique. Une autre chose à se réjouir est qu'avec ce moulin, on n'aura plus besoin d'utiliser les mains pour égrainer le maïs. Surtout que ça nous prenait beaucoup de temps. Le PNUD a également visité le centre régional d'apprentissage multisectoriel de Roussi en commune Chombo. C'est toujours en province Karusi, le centre construit sur fonds propres du gouvernement. Cette visite de cette haute autorité du PNUD a eu lieu sur recommandation du président de la République du Burundi. Ornella Mucho. Certains entrepreneurs de la ville de Rumonge se lamentent que le courant électrique leur fourni par la régie des eaux est de très faible tension. Ils regrettent que des machines soient à l'arrêt depuis plusieurs mois et demandent à cette régie de production de l'électricité de régler ce problème. Son responsable au sud du Burundi reconnaît cette chute de tension affectant même certains appareils médicaux dans certains coins de cette ville. Il appelle les initiateurs de nouveaux projets nécessitant du courant électrique à consulter au préalable la régie des eaux. Jean-Pierre Misago. Certains parmi ceux-là qui se lamentent avaient installé une savonnerie dans le quartier Mugomere de la ville de Rumonge. Cela va faire bientôt une année. Hafajimana Onesforo, l'un des membres de cette coopérative, dit que depuis, ce projet reste improductif, expliquant que les machines n'ont pas fonctionné suite à une très faible tension du courant électrique qu'elle est refournie par la régie des eaux dans ce coin. De son côté, Pacifique Nzouanimana, un électricien, dit qu'il arrive souvent qu'il ne soit pas payé après ces installations de machines qui n'arrivent pas à fonctionner suite à ce problème. Ce problème de chute de tension affecte également l'hôpital Amahoro de Birimba. Ici, la chambre froide de la morgue, de même que la machine à laver, ne fonctionne pas et certains appareils, comme les imprimantes, ne fonctionnent que si le courant électrique de la régie des eaux n'est pas trop utilisé dans les ménages des environs. Que ce soit à cet hôpital ou même le service de radiologie ne fonctionne pas suite à ce problème selon certains employés à cet hôpital, que ce soit chez ces jeunes entrepreneurs, l'on demande à la régie des eaux de résoudre ce problème. Félix Ninameba, responsable de la régie des eaux dans le sud du Burundi, dit que l'agrandissement de la ville de Rumonge et l'utilisation notamment des fils électriques hors normes dans le transport de l'électricité sont à l'origine de ce problème de chute de tension dans certains coins de cette ville. Pour lui, les initiateurs de nouveaux projets de développement nécessitant du courant électrique devraient consulter au préalable les techniciens de la régie des eaux pour d'éventuelles orientations. Entre-temps, la régie des eaux est en train de résoudre ce problème à Mugomere avec la récente installation d'un transformateur supplémentaire dans cette localité. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Vous saurez que la situation est pire dans certains quartiers du centre urbain de Kirundo qui sont dans le noir depuis 4 jours. Les gens qui font des activités qui nécessitent du courant électrique déplorent qu'ils sont en train de perdre énormément. À la régie des eaux, ils expliquent qu'il s'agit d'un transformateur endommagé qui n'a pas encore été remplacé. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimana.